Maman, je t'aime et je sais pas comment le dire. J'ai peur pour toi, pour nous, pour l'avenir. Et je vois mes démons revenir. Et mon Dieu rassure-moi, le pire reste à venir. Aujourd'hui j'ai quitté le rivage. C'est sur ma pirogue, je vais en revenir.